tout homme qui fait sur une chaîne de télévision avec la pression de l'audimat, 40 émissions par an, à 20h30, 10 émissions à 22h30, 5 émissions spéciales par an, 55 émissions, 300 jours de radio, devient une machine. C'est obligatoire. J'étais cette machine.